accords, les trois accords, les trois accords sont d'accord. Hey, attention! Est-ce que les trois accords sont d'accord avec moi pour dire que ce sont eux-mêmes de grands musiciens, de grands chanteurs, de grands compositeurs, de grands têtes, de têtes, de grands têtes, de têtes, de têtes? Est-ce qu'ils sont d'accord? Nous sommes d'accord. C'était les trois accords avec Dans mon corps. Dans mon corps. Dans mon corps de jeune fille. Il y a une série de lumières qui m'éclaire jusqu'au fond de mon corps. Dans ce corps de jeune fille, il y a de la bêtise, il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a Le soleil se lève plus tard et Wayne Newton in The Legend of Doom avec Suspicious Mind. Et ensuite, Iggy Pop avec Dawn of the Street. La sucrerie rosâtre qui se laisse lécher s'écarte de toute douceur, qui sécrète des secrets indescriptibles. Ouverte, offerte, la langue s'étire pour en faire jouir la substance en transe. Dans ce corps de jeune fille, il y a le 58, attends, le 58 parallèle, 58 parallèle, est-ce possible? Oui, monsieur, tout est possible, avec Lot's Song, mon grand succès, mesdames et messieurs, mon grand succès, Lot's Song. Hey, non, c'est pas Lot's Song, ça? On m'a dit 58, attendez, on m'a dit 58. Ah, c'est 68, ah, OK, on s'est trompé de 8, on descend de 5, oui, OK, Lot's Song. Madame, mademoiselle, messieurs, on s'excuse. C'est Tony Roman qui nous a composé une pièce qui était beaucoup trop rythmée. Maintenant, Lot's Song. Oh yeah, on la sent là. On la sent quoi? La Lot's Song. OK. Chanson de Serge Gainsbourg, écriture et chanteuse Jane Birkin. Mais là, vous entendrez le chanteur. On sait pas Birkin. On sait pas, c'est pas Birkin. C'est pas Pekin. C'est pas Birkin. C'est pas Patin. Patin. Patin. Patin. C'est pas la patente. C'est une grosse patente. Une grosse patente. Une grosse patente. L'autre sang dans la jungle de nos amours est perdu. Notre émotion s'est perdue. L'autre sang à la longue, les mots semblent superflus. Entre le flux, le reflux. Mensonge par omission, se tait, on s'est tu, on sait ce qu'il s'est su. On s'adore et puis l'on se déchire, s'entretue dans mon sens, entretue. L'autre sang dans la jungle de nos amours est perdu, notre émotion s'est perdue. L'autre sang, toi tu jongles avec des mots inconnus, de moi je n'ai pas assez lu. Dans tes yeux, tes mensonges, d'autres filles en vue, je savais, je me suis tué. Les bagarres, arrêtons, je suis, on ne peut plus, fragile, le sais-tu. L'autre sang dans la jungle de nos amours est perdu, notre émotion s'est perdue. L'autre sang, oh ma jungle de l'amour, je n'ai pas su sur toi avoir le dessus. Des erreurs, mettons, je reconnais, je me suis tu à l'avance, battu. C'est l'honneur, mettons, arrogance, me tue. Tu me dis vous, après-tu. Après, tu peux recommencer, mon petit numéro 1, mais je crois que la chanson s'arrête comme ceci, comme ceci, comme cela, là, ici, maintenant. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles. Burkowski. Burkowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Il y en a de moins en moins de petites écritures dans l'antre de l'oncle Buck. Il va falloir en écrire. Nous en écrirons. Rapidement. OK. Alors donc, je ne sais jamais où est le flux, entre le flux, le titre. Non, c'est pas le titre, c'est la première phrase, OK. C'est Angèle, vieux motel, Marty. Attends un peu, hey, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, moi, je veux dire que Angèle's vieux motel, Marty paya à la réception, prit la clé et monta l'escalier. Comme elle faisait régulièrement. Mais ça, on tient à le cacher, hein? À toutes les fois que l'on raconte cette histoire-là, on ne veut pas aller jusqu'au bout. Oui, elle monte, effectivement. Elle prend cette clé au motel Angels. Mais derrière elle, qui la suit? Qui la suit? Qui la suit? Ben, la suite! Qui la suit de la suite? Qui la suit de la suite? Une histoire? Ben oui! Qui va l'amener jusqu'à la mort? Elle va pas mourir. Elle va mourir. Comment ça? On va la faire mourir. Pourquoi? Il faut que ça saigne. Il faut que ça saigne. Il faut... Arrête, mon Boris Bedan. Boris Bedan veut que ça saigne. Alors, ça va, c'est... Elle va... Saignons l'histoire. Ben, alors, non. Nous allons la purger. Qui ça? Pas Marty, non, l'histoire. Mais elle aussi va... Oh non! Peut-être. Oh. Si j'ai le goût. Oh. On y va. Oh. OK. Un jour... Marty, comme d'habitude, monte l'escalier. Elle prend toujours 3e étage à droite. Numéro 13. Pour elle, c'est la malchance. Elle aime la malchance. Elle est une vamp. Elle aime la nuit, la lune, la pleine lune. Elle adore lorsqu'elle a peur. Elle adore également lorsque le client lui donne des soubresauts. Elle n'est pas certaine, mais elle accepte toujours. Elle accepte parce qu'elle sait qu'un jour, un d'eux la tuera et c'est vers là qu'elle veut finir ses jours. Ah, elle veut finir ses... Vers la mort. La mort. La mort. La mort. La finalité. Lendemain, non. Oui. C'est une vraie. Une vraie. Une destructrice d'elle-même. Puis, ce que ses clients ne savent pas, c'est qu'elle est atteinte. Pas vrai. Elle est atteinte. De quoi? De tout. De tout. Sida. C. Acimine C. Hepatite B. Bougez pas, bingo! Elle est atteinte de tout. Hépatite C. Elle est hépatite. Elle est épatante dans l'hépatite. C'est pas vrai. Ben, je vous dis, Madame Tremblay, elle est épatante dans l'hépatite. Elle a toutes les hépatites. Mais moi, je connais que deux. Que deux hépatites? Vous n'êtes pas si pertinente dans les hépatites. On peut en calculer plus qu'il y en a des hépatites. Ben voyons, donc t'es complètement... Non, ne remettez pas en question toute mon intelligence primaire. Elle est très primaire. Singulière. Elle est très singulière. Collégiale. Elle est plus universitaire. Oh, mais là, je touche pas. Universitaire. Il y a plein d'hépatites. La petite hépatite, la moyenne hépatite, la grande hépatite, la grosse hépatite, la petite hépatite, et la moyenne hépatite qui cherche l'autre hépatite. Toutes les hépatites entre elles veulent se trouver histoire de faire exploser la personne qui en a quelques voluptés à l'intérieur d'elle. C'est pas des voluptés. Mais quelques zones bizarres, étranges venues d'ailleurs. Oh mon Dieu, j'aime pas ça, cette histoire-là. Ben oui. Alors elle a toute la gamme de la mort. Les clients payent cher pour elle parce qu'elle connaît tout. Toutes les structures, les extravagances, les « Ah, je le sais, ah oui, ta femme le fait pas, je te le fais, ah, je la connais, je le connais. » Ah oui. Hey, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Je suis perdu. Comme l'oiseau. Et puis donc, Martha amène Raoul. Pas Raoul. Le Raoul. Pas le Raoul. Le Raoul Riendo. Ah, raconte pas ça. Il faut le dire. Il faut que les gens le sachent. Il faut que demain, dans le journal, Raoul y soit en première page. C'est un criminel. Ah non. C'est un flic. Ah. Malade. Malade. Malade parce que sa femme l'a quitté. Je vous le dis, ça va vous arriver. À toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon... Eh non. Ça lui est arrivé, puis malgré ses 18 enfants qu'il a fait avec 15 femmes, parce qu'il a un flingue, lui, hein, il dit « j'ai un flingue », alors il rentre chez n'importe qui, avec son flingue, il entre n'importe où. Et il tire, pom, pom, pom, la dame est enceinte. Mais là, Martha, mais elle était complètement marteau, là, Martha. Martha, elle était complètement marteau, elle était sur le caillou. Sur le caillou, sur la tige. Sur la tige du... Un caillou, attendez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un clou! Elle était sur le clou! Sur le clou du... Du théâtre! Oui, monsieur! Elle a accepté ce flic parce qu'il devait lui donner une contravention et la contravention, elle ne pouvait pas la payer parce que sinon, il lui enlevait son permis de conduire. Il a jugé bon d'explorer cette Martha-là. Cette Martha-là. Martha. Et un soir, ce soir-là, il regardait lorsqu'elle montait les marches sa mini wagonnette. Oh, je pensais à sa mini-jupe. Oui, mais elle aussi, elle avait une mini. Mais sa wagonnette et sa jupe. Parce qu'il s'est dit, lorsque je terminerai avec elle, je prendrai sa wagonnette. Il voulait la tuer. Ben voyons donc, ben c'est certain. C'est un malade. Il a, comme tous les individus de ce genre-là, un flingue dans la tête qui est prêt à tirer n'importe où. Ça fait que là, il monte avec Marty. Martha. Et là, elle se déshabille, elle fait un striptease réglo. Hein? Elle lèche réglo. elle absorbe réglo, elle avale réglo, elle fait tout réglo. Puis là, elle dit, est-ce que c'est réglé? Lui, en remontant son pantalon, en préparant tout, il dit, c'est presque réglé, la petite, là. C'est presque réglé. Puis là, il prend dans son ceinturon son flingue. Il fait pow, pow, pow sur Marty. Marty, ah, ah, vous l'avez pas vu. Vous m'avez pas tiré. On t'a tiré. Je t'ai tiré. Nous avons tiré. Tu t'es qu'une sale pute. Une flaque de sang. Elle est morte. Elle est morte. Et lui a regardé dans sa sacoche, dans sa bourse. Il s'est rendu compte que c'était effectivement une prostituée, mais pas simplement une prostituée. Elle faisait partie du clergé. C'était une religieuse. Ah non, oui. Et le titre du conte de Charles Bukowski s'intitule « La mente religieuse ». Oh, j'aime pas ça. Ça se termine ainsi. Ah, oh, t'as-tu autre chose? Oui, les trois accords. Ah, accordez-moi un peu de divulgence, de divulgante, accordez-moi. Tout seul, je pars avec mon appareil photo. Derrière la gare, les passants, même les escabeaux. Préfère encore traverser par la flaque. J'ai fait un reportage l'autre jour à la télévision, ce qui parlait de ces clubs de rencontres-là. Puis qui disait que c'était bien sérieux? J'ai du monde qui ont fait des belles rencontres là-dedans, tu sais. Oh, je te dis pas qu'ils se mêlent toutes, mais au moins ils rencontrent du monde nouveau. Je me décide pour que tu t'indignes avec moi, puis t'es après me vendre l'idée d'aller m'inscrire, là. Et... on va faire une affaire. Je vais téléphoner à ton club cœur à cœur. Non, tu parleras pas. T'écouteras sur l'autre ligne, c'est moi qui vais parler. Ils savent pas ce que t'es, ça coûte rien de téléphoner. Je vais demander quelques renseignements, puis... si c'est pas sérieux, on laissera faire. Puis si c'est sérieux, ben... on verra. Moi, ouais, puis si c'est sérieux, là, tu vas te mettre après moi pour que j'aille m'inscrire, là. Merci bien. T'as dans t'es dur. Oh, et donc, ça me tente de téléphoner. Ça fait longtemps que j'ai pas joué tôt au téléphone. J'ai envie de faire la folle un peu. Ah, y arrive. Tu peux faire toutes les niaiseries que tu voudras au téléphone, là. Je t'avertis, tu m'auras pas. Peux-tu arriver? Viens. Allô, oui, j'écoute. Allô, le club cœur à cœur? Oui, monsieur. En ce comparant, je vous fais le taxi. Bonjour, monsieur Parent. Bonjour, ma belle. Écoute, j'ai vu votre annonce dans le journal, puis je voudrais avoir quelques petits renseignements. Tu veux me dire? Certainement, nous sommes là pour ça. Est-ce votre téléphoniste, vous? Non, monsieur, je suis la secrétaire. Ah, mais tant mieux, tant mieux. Non, parce que les téléphonistes, c'est toujours bien. Mais vous, vous avez la plus petite belle voix que j'ai. Franchement, t'exagères. Vous vouliez des renseignements? Ah ouais, les renseignements, ouais. Bon, mais... je n'irai pas par quatre chemins, j'ai besoin d'une minoune. Patron? Allô? Êtes-vous encore là? Restez pas bête demain. Je suppose que les hommes qui vous appellent d'habitude sont un peu plus... Ça parce qu'on... Par un, lui, est directement descend n'importe quel chauffeur d'un mur, il va vous le dire. Vous vous trompez d'adresse, monsieur. Comment ça, tromper d'adresse? Hey! Vous annoncez des rencontres en pleine page dans les journaux. Pensez-vous que le monde qui va vous voir et vous prenne des enfants de guerre? Non, enfin, monsieur, ne soyez pas grossier. Faites donc pas l'insulter. Call girls, call girl, viens là. Ça sent drôle, Marguerite. Bon, enfin, monsieur, nous travaillons avec un ordinateur. Ordinateur, mon œil. Pas un ordinateur. Que je veux, c'est de la peau. Marguerite, ça sent le brûler, là! Oh, mon Dieu. Excusez-moi, mademoiselle, mon souper brûle. Gisèle, prépare ton baptistère. Je pense qu'ils sont sérieux. Que je veux rester à souper. Putain, Marine Le Pen, non, non, Marine Le Pen, non, mais tu le crois pas, tu le crois pas, putain, Marine Le Pen, non, non, mais Marine Le Pen, non, mais tu le crois pas, tu le crois ça. Ouais, tu sais, c'était samedi, là, à côté de la maison de la radio, je marchais dans la rue, et puis il y a une fille juste devant moi, avec ses grands cheveux blonds, tu vois. J'ai commencé à la suivre parce que, je sais pas, j'avais envie de baiser, puis tout d'un coup, elle s'est retournée. Et là, qu'est-ce que je vois? Putain, Marine Le Pen, non, non, Marine Le Pen, non, mais tu le crois pas, tu le crois pas, putain, Marine Le Pen, non, non, mais Marine Le Pen, non, mais tu le crois pas, tu le crois ça. Alors? Alors? Alors, je me dis, ok, c'est bon, je rentre chez moi. Je la dépasse et puis je marche, avenue du président Kennedy, jusqu'à la place de Varsovie. Puis il faisait bon et c'était cool. Et puis là je me retourne, puis je la vois qui marche derrière moi. Puis je commence à flipper parce que je me rends compte qu'elle me suit vraiment. Dans les jardins du Trocadéro, place de Chaillot, tout ça, je me rends compte qu'elle me suit vraiment. Métro Boissière, j'accélère, métro Kléber, et puis je la vois, elle est toujours derrière moi. Puis j'appelle un taxi, puis il est pris, et puis je commence à courir, et c'est vraiment un cauchemar. Et puis je monte parce que j'ai pas trop le choix. Je monte et je me retrouve place de l'Étoile. Et il y a plein de bagnoles comme d'habitude. Et puis elle est à 2 mètres. Je sens qu'elle est à 2 mètres de moi. J'ose pas me retourner. Là j'appelle un taxi. Miracle, il s'arrête. Je monte dedans au dernier moment. L'horreur absurde. Marine Le Pen, non, non, Marine Le Pen, non, mais tu le crois pas. Tu le crois pas, putain. Marine Le Pen, non, non, mais Marine Le Pen, non, mais tu le crois pas. Tu le crois ça. Ce jour-là, je me suis dit qu'il aurait mieux fallu rester chez moi. Ce jour-là, je me suis dit qu'il aurait mieux fallu rester chez moi. Fallu. Fallu. C'est un mot, c'est quoi? C'est pas assez compliqué, ça? Non, il aurait mieux fallu. C'est conditionnel passé, première forme. Tu vois, on aurait pu dire il aurait mieux valu aussi, mais du verbe valoir. Tu t'étais plus élégant. Alors ? Ben, voilà. Alors ? Putain, Marine Le Pen, non, non, Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas, tu ne crois pas, putain, Marine Le Pen, non, non, mais Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas, tu ne crois ça. Je serai content quand tu seras mort, vieille connerie. Ah oui. Ah oui. Je serai content quand tu seras mort, vieille connerie. Ah ben merci. Tu ne paies rien pour attendre. Je saurais bien te descendre. Mon Dieu. Je serai content d'avoir ta peau, vieux chameau. Ah bon, ben attends, moi, tu vas. Moi, je tiens sûr, bras ouverts, vieille canaille. C'est. Y avait. Toujours ton couvert, vieille canaille. Ouais. T'as brûlé tous mes tapis. T'as même fumé dans mon lit. T'as sifflé tout mon whisky. Vieux bandit. Puis, je t'ai présenté ma femme, vieille canaille. Un canon. Ouais, oui. Je t'ai présenté ma femme, vieille canaille. C'est vrai. Fumier. Tu as fait du baratin, mm-hmm. Tu as embrassé dans les coins. C'est pas vrai, et ailleurs. Dès que j'avais tourné le dos. Vieux chameau. Vieux chameau. Je suis parti avec elle, vieux canaille. Oh, la canaille. Oui, je suis parti avec elle, vieux canaille. Oh. En emportant la vaisselle, le dessus de l'hôtel. Oh. Tes cassettes au magnéto, vieux chameau. J'ai sorti mon fusil. Mon plein. Et quand je te tiens au bout, je rigolerai. Bon coup. Pas mal. Extrait. Vitre poitrine. Vieux bandit. Espèce de canular. De trou de cul. T'as dans une dent. Oh, vieille canaille. Vieille canaille. Et moi, je vais faire la bombe. Vieille canaille. Ça m'étonne pas. Un coup de petite paire de billes. La plus belle cuite. Sera pour tes funérailles, vieille canaille. Vieille canaille, là, ben c'est etc. On y va. Papa. Papa. Papa. Vieille canaille. Bambou. La petite bambou qui termine avec vieille canaille. Oh, c'est babou, babou, babou, babou. Babu bibobu papi pipopu babu babu bambou bambou. Les trois accords avec caméra vidéo bambou. Le soleil se lève plus tard. Et puis on va s'informer tantôt là. Philippe Catherine avec Marine Le Pen. Marine Le Pen, pardon, Marine Le Pen, pardon, c'est de la. Et puis Eddie Mitchell. Eddie Mitchell et Serge Gainsbourg, vieille canaille. Eddie Mitchell, qui? À un moment donné de ça, c'était un très beau moment. Maman, maman, dis-moi comment le moment peut se dire. Il se dit maintenant. Eddie Mitchell a stipulé, a mentionné, a divulgué à un moment donné, c'est là, que... il va le balancer le truc. Je le balance. Il balance. Là, attention, Georgette, on demande premièrement là, à Georgette de se tasser vers la droite. Jean-Marc à gauche. Ticu Baudouin reste là, en dessous de la table, comme d'habitude. Et puis, je vais la lancer. Dans les bars, Eddie, il roulait, hein, comme d'habitude. Oh, viens, canin, hein, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon C'est moi, Aidez mes chants, Aidez mes chants, en haut de l'échelle, je chante la belle, la belle héroïne, héroïne, la belle famine qui cherche la mine, la mine. Et je leur ai dit, ça c'est Aidez Mitchell qui parle, je leur ai dit, hein. À un moment de la nuit, là, il n'y a pas de belle ou de laide fille, il n'y a que des filles. Hey, ça, là, c'est vraiment l'œil qui voit. Hey, tu t'intéresses à moi? Je m'en vais avec toi, ma belle chérie. C'est en plein comme ça, hein? C'est des Mitchells, ça. Et puis, donc, les trois accords avec caméra vidéo, oui, les trois accords. Da da da da da da da, premier accord. Pa la la la la la la, deuxième. Ta la la la la la la. OK, tous les accords du monde. Le soleil se lève plus tard. À quelle heure il se lève, le soleil, Jean-Marc? Ah, ben là. Moi, je dis, ça dépend. Est-ce qu'il vient du nord ou du sud? Quoi, le vent? Le vent du nord. Ben, le vent du nord vient. Ben, vient par ici. Oui, il vient par là. Et donc, moi, je dis que la pleine lune amène le soleil et le soleil amène le chameau amène le mouton amène la brebis amène la vache amène les oiseaux amènent la gaieté amène les enfants amènent les femmes amènent les maris amènent les chalets amènent les bois amènent... Ça n'amène passablement, ben, beaucoup trop. Mais là, il faut déjà dire aux gens que Errance Rinaldienne demeure une émission atypique qui se distingue. Jamais distingue, là, il y a dingue dans distingue. Ah, on l'avait lu, là. Est-ce qu'il y a une Mustang? Les Mustangs se distinguent également. Je crois que oui. Je crois que oui. Je crois que oui. Non, c'est Agnès Jaoui. Agnès Jaoui, je crois que oui. Non, Agnès Jaoui. Oui, oui, oui, Agnès, arrête de Agnès Jaoui. Oui, oui. Il pleure, elle pleure. Alors donc, distingue. Donc, il y a, bien sûr, dingue dans distingue. Jamais vous trouverez un dynamisme aussi soutenu provenant de votre animateur préféré. C'est moi, allô? Bonjour, c'est Didier, donc c'est Rénal. Monsieur Grenier, bravo, oui, pour votre grand talent. Merci, mais c'est pas... Grenier, c'est Gagné. Rénal Gagné qui s'anime et s'enflamme depuis... Avec sa fougue, hein? Il s'enflamme avec sa fougue. Ah, mon Dieu. Hey, moi, je m'enflamme avec Rita. Oh, mais on s'enflamme avec ce qu'on peut. Avec ce qu'on veut. Avec ce qu'on a. Avec ce qu'on peut. Avec ce qu'on pourrait bien avoir comme fougue. Depuis bientôt 5 ans, cette émission de variété vous présente une véritable différence où l'excentricité... Comment? L'excentricité. Ça, c'est parce que mes petites dents d'en haut sont usées sur ma prothèse. Et ça me prothèse de tous les maux. Les maux... Les maudits. Alors donc, véritable différence où les excentricises... Es-tu sûr que c'est ta prothèse? Je suis très certain que c'est ma prothèse. Alors, on va appeler M. Prothèse. Est-ce qu'il est l'heure d'appeler? Il est quelle heure? C'est la nuit. C'est la nuit. Le soir. Le soir. Le jour, le matin, la semaine. C'est samedi. Samedi. Samedi, pas d'appeler. Samedi, t'appeler. Oui, hein, oui, le samedi, il faut appeler. Appeler. Ben, appeler pour savoir. Savoir quoi? Savoir s'ils peuvent. Ils vont pouvoir. Parce que lorsque je leur dis, c'est moi, ils me disent, présentez-vous. Et mon Dieu, c'est comme le corps, là, le corps du... Cette émission de variété vous présente une véritable différence où l'excentricité de la création et la création, c'est pas de la création, c'est... Et... Monsieur. Oui. On sait. On. Oh. Lire. Oui. Alors, laissez-moi. Laissez-nous. Laissez-nous chanter en paix, laissez-nous laisser la paix, laissez-nous entendre la paix, laissez... Cette émission de variété vous présente une véritable différence où l'excentricité et la création improvisatrice voltigent à travers les circuits cybernétiques. Vous pouvez devenir membre de cette transmission auditive grâce à Facebook. Il vous suffit d'entrer Errance Rinaldienne sur le moteur de recherche de ce réseau social et vous serez ainsi instantanément... Nanette. Oui? Est-ce que tu es à la Nice? Nanette à la Nice. Bon. Quand le sucre d'orge parfumé à l'anis, c'est-tu toi l'anis, la nanette à l'anis? C'est moi la nanette. Oh mon Dieu. Nanette? Oui. Je t'aime. Oh, moi aussi je t'aime. T'es tellement gentil. T'es vraiment à l'anis? Je suis vraiment à la qui? À la ce que tu viens de dire. À l'anis? À la tout ce que tu veux. Ah, mon Dieu! Moyennant? Ben, moyennant un amour. Un amour? De 20 $ 20 $ 35 euros. 35 euros? Trop de piastres. Trop de piastres? Jamais de sous. Jamais de sous? Tous les dessous. Tous les dessous? Moyennant les dollars. Ah, mon! Moyennant les dollars, tous les dessous. Ah, instantané, instantané, instantané, nani, nani, nani, nani, nani, nani, mais qu'est-ce que tu dis, nani? Bonjour, c'est Jean-Marc. Ça va bien? Moi, c'est instantanément adhérent de la grande aventure qui vous arrive chaque semaine. Demain, Mélan, écrivez-nous pour nous laisser vos commentaires à reynalddequebec@commercialhotmail.com. RAYNALDQUEBEC. @commercialhotmail.com. Alors, 1, 2, 3, à vos claviers. Hey, tu viens de me réveiller, toi, là. Dis pas 1, 2, 3, à vos claviers. Bien, certainement. Atelier d'improvisation, cette semaine, et ça jusqu'à épuisement du concept. On va savoir si ce mot-là va aller dans la grande famille de la du château de la francophonie. Qu'est-ce que c'est excitant, cette émission-là? Il n'y a pas une petite chanson? Une chanson. Non, là, il n'y en a pas de chanson. J'aimerais tellement... Non. Cette semaine, il faut le couper. Coupe le son de la chanson. On peut pas couper le son de la chanson. Comment ça? Sinon, si on coupe le son de la chanson, on coupe tous les sons. Ah, mon... Sont-ils raisonnables? Ils ne sont pas raisonnables. Alors, les sons... sont populaires. Ah, mon... On n'aime pas ça. Les sons populaires sont des popos. Sont des popos. Sont des populaires. Sont impopulaires. Impopulaires. Très populaire. Très populaire. Impopulaire. Impopulaire. Cette semaine, et ça jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'exclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Ah, bon, le verbe. Lequel? J'en ai aucune idée. Je le cherche, ce mot. Ce mot, c'est pas un mot, c'est un verbe. Le verbe. Le verbe au moteur. Le verbe mange le moteur. Menteur, tu cherches la... L'herbe m'en a... Naissance, le mot de la francophonie, c'est naissance. Il y a plusieurs naissances, hein? Il y a des naissances de nations, il y a des naissances de mots, il y a des naissances d'enfants, il y a des naissances involontaires. Tout début de phrase est une naissance. On ne sait jamais comment elle va mourir. Mais on s'en doute. Il y a toujours le point final. « il y a toujours le point final. Dans tout début, il y a une petite bibitte qui monte, la bibitte. Elle monte jusqu'en haut de la cime. Et bien sûr, les gens de Zimbabwe la connaissent très bien. Elles disent « Ah, elle est là-bas, en haut des nuages. » Là, on lui dit « Oui, on est en haut des nuages. »« Elle est là-haut, en haut des nuages. » Elle dit « Tu es en train de prier? »« Ah non, ils sont en haut des nuages. » Quel nuage? Les nuages! Hey! Les nuages! Ils sont dans l'eau! Les nuages! Puis après? Ben après, il y a des nuages! En haut des nuages! Il y a des nuages! Plus qui. Ouais? En plus des nuages! En plus des nuages, il y a. Il y a des nuages! C'est pas vrai. Il y a des étoiles. Des étoiles! Et puis j'aimerais dire. Qu'il y a une étoile pour vous, il y a une étoile pour chacun de nous. Il y a une étoile pour chacun de nous. Et cette étoile descend vers les individus qui veulent bien la trouver. En bas de la cime, en bas du crime, en bas de tout ce qu'on peut s'imaginer de structure réaliste. Avant la déchéance. Tout ça, là, du point A au point B, se veut rempli de bonheur. Normalement, on veut du bonheur là-dedans, de la naissance jusqu'à la mort. Et qu'est-ce que l'on a normalement, réglementaire? Eh bien, oui, merci. Marcus Belbeau. Qu'est-ce qu'on a, Marcus Belbeau? Mais on a des recherches. Oui, on recherche. Du début jusqu'à la fin, on recherche le bonheur. On essaie de contempler le bonheur. Et quand on est tout croche, on va consulter pour arriver, s'amarrer au bonheur. Et quand il n'y a pas de bonheur, il n'y a plus rien. On essaye de se faire des petits paniers de bonheur. Ah! Tout à l'heure, j'ai eu un bonheur. Tu le mets dans ton panier de bonheur. Hier, j'ai eu un bonheur. Dans ton panier. Toute structure de vie n'est pas toujours composée de bonheur, n'est jamais composée uniquement que de bonheur. Mais là, Jean-Marc, ouais. Il n'est plus de bonheur. Non, il est même très tard. Qu'est-ce qu'on fait? On doit couper. C'est pas vrai. J'aime pas ça couper sur la naissance. Oui, mais il faut naître là-dedans. Ben, nous naissons. Naissons-nous? Oui. Oui, je nous nais nous-mêmes. Je nous nais nous-mêmes dans cet instant précis. Ah, ben, c'est beau. Moi, j'ai jamais entendu ça comme ça. Alors, t'es un vrai psychologue. T'es un vrai. Avant de s'appeler Bianca, mais les confitures. dictionnaire. Dans le dictionnaire, elle, elle s'appelait Serge. Tu l'as dit, on l'a dit, et de midi à midi, elle s'appelait Serge. Mais je sais qu'elle s'appelait Serge avant de s'appeler Bianca. Mais les mots qu'elle prononce m'aspergent comme une fontaine de nougat, de métaphore. De métaphore alimentaire. Elle, elle s'appelait Serge. Tu l'as dit, on l'a dit, et de midi à midi, elle s'appelait Serge. Elle, elle s'appelait Serge. Tu l'as dit, on l'a dit, et de midi à midi, elle s'appelait pour manger ça. Oui. C'est si terrible que ça. Pas mal effrayant. En tout cas, elle est toujours bien avec la pauvre fille. Tu comprends, il faut qu'il soit poli, ce monde-là. Ils sont payés pour être fins et polis avec le monde. Et je pense que je l'ai scandalisé bien raide. T'aurais dû l'entendre. Nous sommes une maison sérieuse. Nous fonctionnons avec un ordinateur. Hey, tout ce que je souhaite, c'est qu'il ne te présente pas l'ordinateur. J'ai pas encore dit que j'y allais, hein? Hey, mange, Pierrot, mange. C'est bon. Écoute donc, Marguerite, on appellerait-tu un barbecue? Bon, salut, fille. Salut, fais attention à toi. Ouais, gâteau pas pour moi. Bonsoir. Donc, Colette, ça te tenterait-tu mardi soir prochain d'aller à la Place des Arts voir Serge Reggiani? Il me semble qu'il a l'air bon. Je l'ai vu l'autre soir à la télé. Puis... Sais-tu, j'aimerais ça, mais je pense que je pourrais pas. Pourquoi? Mais tu sais, mon correspondant que j'avais en Belgique. Ah, ton vieux veuf riche. Il est pas si vieux que ça. Probablement pas si riche non plus. En tout cas, il vient au Québec passer 3 semaines. Il arrive après-demain. Oui? Puis comme je suis la seule personne qu'il connaît ici, j'ai promis d'y garder toutes mes soirées pour le promener, le faire visiter. Mon Dieu, il pourrait venir avec nous autres? Non, sais-tu... Bonsoir. Bonsoir. À demain. Oui, à demain. Sais-tu, je pense qu'il n'aime pas beaucoup Serge Reggiani. Et puis, il serait gêné. Puis je le connais même pas. Je suis pas pour le présenter aux autres avant de le connaître comme il faut. En tout cas, j'espère que vous allez bien vous entendre. J'en suis sûre. Déjà, dans ses lettres... Ouais. Si notre Colette se case avec son belge, ça veut dire que tu vas devenir la doyenne des vieilles filles du bureau. Passe-moi. Les monarques et leurs figurines. un père de demi-dieu. Livré à eux, ils font des petits, ils font des envieux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi des scélérats. À qui sourit la vie? Marcher sous l'eau, éviter les péages, jamais souffrir. J'espère aimer les chevaux du plaisir. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie. Ma chanson, ils ont changé ma chanson. C'est la seule chose que je peux faire, et c'est pas bon. Ils ont changé ma chanson. Look what they done to my brain. Look what they done to my brain. Well, they picked it like a chicken bone, and I think I'm half insane. Look what they done to my son. Ils ont traduit ma chanson. Ils ont trahi ma chanson. Ce n'était rien qu'une chanson, mais c'était ma chanson. Moi, ils ont changé ma chanson. Ils ont changé ma chanson. Le bras des lames to my song. Le quoi des liens to my song. Un état de la peine, place des bains, and turn it upside down. Le quoi des lames to my song. Ils ont changé ma chanson.